Énergie, salut la France qui se lève tôt. Beaucoup trop tôt d'ailleurs à mon goût, mais ça c'est... Bah 4 heures les gars quand même. Hein. C'est... Bon, ça c'est bien, on se fait Z dans la playlist Énergie. Alice on the Roof 5 aussi. Et puis le meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce matin, bien, j'espère. C'est Cédric sur Énergie. Bon réveil. On va écouter Alice and the Wolf dans la playlist Énergie. Il y aura aussi Snake juste derrière. Amir qui va arriver tout à l'heure. La tournée avec Énergie d'ailleurs partout en France. Et avant tout ça, c'est le meilleur de Mickaël. 23h, tous les soirs en direct pour vous sur Énergie. Et là, c'est le best-of. Bon, on va jouer au jeu des 10 mots avec David qui est avec nous à Vigneux-sur-Seine dans le 91. Salut David. Salut l'équipe. Comment vas-tu? You. Ben, ça va, tranquille. Bon, tant mieux, tant mieux. Ben, tant mieux, tant mieux. Alors, de l'autre côté, Johan ou Johan de l'autre côté? Johan Dumont dans le 72. Johan, donc, jeu des 10 mots également. Vous allez vous affronter. Le principe est simple. Vous allez choisir quelqu'un dans l'équipe. Chacun à votre tour, évidemment. Quelqu'un qui va tenter de vous faire deviner des mots. Vous retrouvez maximum 10 mots. Ce n'est jamais arrivé, mais sait-on jamais un jour, on y croit. Et celui qui, en gros, retrouve plus de mots que son concurrent, gagne. Bon, David, tu veux jouer avec qui? Toff, Polo, Amina ou moi? Bah, je vais jouer avec le boss, hein, toi. Eh, t'as raison, mon pote. T'as raison, t'as raison. T'as envie de gagner, toi. Le mec, il a un sourire, Miguel. Hein, t'as envie de gagner, ma gueule. Et Johan, tu veux jouer avec qui? Désolé, David m'a déjà choisi. Bah avec Toff. Avec Toff, très bien. Quel excellent choix. Amina, elle est vénère. Amina est déçue. Non, mais c'est pas grave. On s'en fout, Amina. Loser, ouais, Amina, elle est vénère. Elle, est pas comme ça, elle reste au placard. Elle en a rien à foutre. Bon. N'importe quoi. Du coup, Johan, tu veux commencer ou tu laisses David démarrer? Bah, je vous laisse commencer. Très bien, Johan, je te mets de côté. Toff, y a-t-il un thème? Oui, un thème par liste. Voilà. Ah, t'es vraiment chiant, putain. T'es vraiment de la merde. Putain, et relou avec son thème par liste, là. Bon, donc David et Johan, comme vous l'avez compris, hein, je ne peux pas vous donner le thème de la liste, mais si vous trouvez un mot, bah, il y a des chances que la suite soit dans le même thème. Voilà, d'accord ? Bon, je sais pas si c'est très clair, mais bon, on va essayer. C'est pas clair. Bon, tu choisis une liste de 1 à 5, David. Laquelle prends-tu ? Bah, je vais prendre la 2. Liste numéro 2, très bien. Et ben, bah, hop là, c'est parti pour la liste numéro 2. Il y a une minute maximum pour découvrir les mots, d'accord ? Vas-y, c'est parti. On y va, c'est parti. 3, 2, 1, David, sois bon, hein. Mauvaise chance. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais. Bon, oh putain, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, c'est un truc où. Enfin bon. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, c'est une espèce de grande église, mais c'est au-delà de l'église. Il y en a une à. Cathédrale ? Non, pas cathédrale. Il y en a une à Rome, évidemment, il y en a plein. Basilique. Hein. Oui, exactement. Putain, c'est un endroit où on va en général et les nonnes y vont en général. Dans un monastère. Oui, effectivement. Tu peux également avoir des nonnes qui y vont. Tu peux menacer les enfants d'y aller en général. Fais attention, surtout les filles. Si tu un fais internat. Des... Non, pas l'internat. C'est le thème. Ça n'a rien à voir internat avec le thème là. C'est chez les moines. Non, c'est quand t'as froid, tu prends quoi pour te mettre sur tes. C'est un exemple, hein, pour mettre sur toi. Quand j'ai froid. Oui. Pour dormir. Un pull. Non, une. Un pyjama. Non. Oh putain. Bien fait. Une couverture. Je voulais te faire deviner couvent parce que t'avais pas. Oh putain, il fallait que ça tombe sur moi, ça, ce putain de thème là. Putain, c'était chaud quand même. Grave. Bon, David, ouais. 2, c'est pas terrible. Ouais. Johan, à toi de faire mieux ou au moins la même chose, ouais. Si tu veux continuer à être dans le game. Tu choisis quelle liste de 1 à 5, sauf la 2, bien sûr. 4. Liste numéro 4. C'est parti, je la donne à Tof, donc il va tenter de te faire deviner les mots. Allez. Mauvaise chance. Merci Mickaël. C'est parti. Merci Abina. En plus, c'est facile. Oh là là. Alors, quand tu abîmes quelque chose, c'est un verbe. Tu abîmes. Mais non, si tu l'abîmes, la bite. Si tu. Bon, ok, c'est pas grave. Quand tu frappes sur quelque chose, tu peux aussi. Cogner. Ouais. Et les flics, ils ont un long bâton comme ça. Matraque. Voilà, et donc le verbe matraquer. Voilà. Quand tu vas à la poste, ils mettent un cachet, c'est un. Un tampon. Voilà le verbe. Ta mère. Tamponner. Ok. Quand c'est une grosse bagarre et que tout le monde tape le même mec, le mec il se fait. Enculé. Non, mais non, c'est en fait tout le monde s'acharne sur un mec, le mec se fait. Se fait digne. Se fait tabasser. Et ben voilà. Mais on a fait 3, c'est le principal. Oh oui. Et puis easy, hein. Amoché, comment t'as raté Ouais, je sais pas, amoché, j'ai. Et caloté, mec. Décaloté, c'était facile. Ah ouais, putain, j'ai pas pensé à décaloté, ouais. Mais oui, voilà. Ouais, non, caloté, je pensais à la calotte et. Voilà. Et ben voilà. Bon, et ben David, du coup, malheureusement, on a joué de malchance avec ce thème de merde. Je suis vraiment désolé. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Oh, un thème par liste. Oui, forcément, avec ce thème par liste de merde, là. Eh ben salut à vous deux en tout cas, vous retournez chez Amina au standard, Joël, on prend tes coordonnées pour les cadeaux. Yes. Salut. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Je devrais même ma voix. Trémolo, faut-il ou faut-il pas? M'amenez-moi. Me laisser aller, je ne voudrais pas. Mais mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, elle l'a dit. Malade. Mais je pense que ce sont tous les fous. Du deuxième couplet, je sais plus trop quoi raconter. À peu près la même chose que dans le premier. Ah non. Et y a pas d'âge pour se dire heureux dans Et y'a pas d'adage qui mettrait à mal mon message. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, me l'a dit. Comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Ouais. Mauvaise nouvelle, là voilà ma maladie. On est fait comme on est, elle me l'a dit. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. On va écouter DJ Snake avec Cardi B. Il y aura aussi Amir, The Prince Karma, Dean Lewis. Il y a toute la playlist Énergie pour attaquer ce vendredi. Et avant ça, c'est le meilleur du Rico Show. C'est à 20h tous les soirs sur Énergie. Et dans le Rico Show, il y a Papy Rico sur Énergie. Écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Allez, avant de tester toutes les connaissances, Sarah, j'ai envie qu'on se fasse un Papy et Mamie Rico. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça. Vous savez, c'est les personnes âgées, Papy et Mamie, hein, qu'on incarne. Madame Jacquin. Oui, tout à fait, Madame Jacquin et mon mari Gontran. Et oui, on est là, tous les deux, pour vous satisfaire. Et je crois justement avoir vu des ovnis. Oh, ah ouais. C'est pas une vanne, je suis tombé sur une news. Apparemment, il y a trois mecs de la British Airways. Ils étaient en plein vol et ils ont certifié avoir vu une lumière. Ils ont enquêté, savoir s'il y avait des essais militaires, des choses comme ça. Ça a été non identifié et ils sont trois vraiment à l'avoir constaté. Ouais. La British Airways, c'est l'équivalent d'Air France. Hein, c'est une compagnie assez sérieuse. Non, mais vraiment, c'est pas une vanne. Et ils ont vu ça et aujourd'hui, ils enquêtent sur le dos. Ils comprennent pas. Ils ont vu une lumière assez forte et le gars n'était pas seul à l'avoir vu. Quoi. Bah, c'était pas vous, c'était Papy Mamérico dans les airs. Non, bah, écoute, écoute, tu sais, une diarrhée, puis pam. Ça monte au ciel. Ça y est, c'est nous. Hein. Nous, c'est Harry Potter. Hein. Ah ouais. C'est Harry Potter. C'est un petit peu le même délire. On va chasser les ovnis. Oui, allez, on y va. Alors, du coup, j'appelle un chasseur d'ovnis parce que j'ai vu un ovni dans le lit de ma femme. Vas-y. Tiens, je m'interroge, les amis. Je m'interroge et on a un couple qui est chasseur d'ovnis, apparemment. C'est ça, je l'ai trouvé cet après-midi. Je les ai déjà appelés. Eh ben, on y va, tiens. Je vais me renseigner. Oui, bonsoir. Rebonsoir. C'est Madame Jacquin, on s'est eu tout à l'heure en ligne. Oui. Oui, voilà, je suis avec mon mari, il a un peu tardé. Oui, bonjour, la chasseuse. Oui. Vous faites quoi, du gibier ou du gros? Les deux. D'accord. Alors. Moi, j'ai vu un gros ovni. Ah, d'accord. Vous pourriez m'en débarrasser. C'est lui, je l'entends, il est chez vous. Vous l'entendez, il parle derrière. Oui, vous l'avez vu, il parle. Non. Mais il parle. Je vous aime pas à vous. Vous vous moquez de moi? Non. Allô? Pourquoi vous ne le signalez pas à la police? Parce qu'en fin de compte, ils viennent nous embêter et on aimerait les chasser. Oui. Il fait l'amour avec ma femme et puis il s'en va. Quand je vais aux champignons tout le temps, il en profite pour venir. Ah, d'accord. Et c'est mieux qu'avec mon mari, monsieur. C'est beaucoup mieux. Oui. Je crois reconnaître un vieux monsieur du village, mais ma femme me dit que non. Ah non, c'est l'OVNI. Il n'y a pas un secte de triangulaire? Ah non, je n'ai pas vu ça, non. Il a un beau sexe, il est lent. Monsieur, c'est un ovni, je n'ai jamais le temps de le voir. À peine j'arrive qu'il saute par la fenêtre. C'est ma femme qui le voit. Et... vous l'entendez derrière? Moi, il est là, vous l'entendez? Il arrive. Ça fait peur. Il arrive. Oh non! Chassez-le! Chassez-le, va dire une trouille, Satanas! Iti, téléphone maison. Je crois qu'on est tranquille. Merci Sylvain de la transition, hein. Essentielle. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, comment ça va ce matin? Bien, pleine forme, j'espère que ça roule pour vous, le réveil n'est pas trop dur. On va se faire D. Lewis dans la playlist Énergie, aussi The Prince Karma dans moins de 3 minutes. Le temps de se faire le meilleur de Koé, il est de retour cet après-midi dès 17h sur Énergie. Voilà, après les cours, après le boulot, et d'ici là c'est le meilleur de l'émission sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. J'ai envie de faire mon appel promo, bon, on appelle un tati. Qu'est-ce qu'on lui fait dire? Tati, tati, rumba. Non, c'est non. Pas mal. Si. Non, ça ne c'est pas mal. Si. Oui, mais non, parce non, qu'il n'y a pas le nom de l'émission. Écoutez, et tout ça. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. Allô, tati. Bonjour, tati. Rumba, c'est le nom, c'est ça? Rumba. À côté de Rouen. Bonjour, je m'appelle Koé. Nous sommes sur Énergie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Vous êtes en ouais. forme? Oui, enfin, ouais. Oh, quand est-ce qu'on va à Rouen pour le One Man, Jeff? Le 14 et 15 décembre. Ah, on va aller, on va s'amuser. Théâtre à l'Ouest. On va aller le rôder là-bas. Bon, alors, mademoiselle, quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Ça va, Isabelle? Ça va bien. Vous êtes des enfants, vous êtes mariée? Oui. Un chéri? Oui, donc forcément. Oui. Des enfants? Oui. D'accord. Vous êtes maman, alors? Oui, maman, ouais. Vous êtes patati? Bien. Défaite, celle-là. C'est comme ça que tu rentres chez Tati. Vous êtes Tati? Non, bah dehors. Vous êtes Tati, vous rentrez. Alors, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un micro? Oui, tout à fait. Il va falloir faire notre pub. Vous savez, grâce à vous et grâce à plein de gens, la mission cartonne. On en a eu un résultat aujourd'hui. Ça démarre fort. Voilà, c'est qu'un démarrage. Restons prudents. Mais quand même, donc c'est grâce à tous ces magasins qui nous ont fait notre publicité aussi. Donc, est-ce que vous voulez bien faire un petit texte de promo dans le micro? Oui, bah oui, je peux. Alors, on y va. Alors, Chers clients, chers clients, la base, hein. Oui, voilà, oui. Écoutez Koé. Ouais. Sur Énergie. Oui. De 17h à 20h. Ouais. De 17h à 20h. Voilà. Et là, il faut trouver la fin. On peut se faire une phase sobre, une phase chanson. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. C'est encore moins cher que des vêtements tati. C'est vrai, déjà, c'est pas très cher. Déjà, c'est vrai. On fait ça. Ouais. C'est gratuit. Bref. Alors écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie, on met le Énergie à la fin. Ouais. C'est encore moins cher que des vêtements tati. Que des vêtements tati, ok. Et si à la fin vous me terminez par un petit chez tati tatou. Chez tati tatou. Ouais, comme ça j'ai l'impression d'être dans la pub. Il y en a deux, hein. Il y en a deux à faire. Oui, il ne faut pas qu'une fois. C'est pas chez tati tatou, c'est chez tati tatou. Chez tati tatou. Il y en a un deuxième. D'accord. D'accord. J'essaye de faire. Vous y allez? Attention, je vais entendre. À partir de maintenant, je vous écoute. Ok, c'est parti. Chers clients, écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. Il y a un blocage là. Elle veut pas le... C'est encore moins cher que des vêtements tati. C'est encore moins cher que les vêtements tati. Chanson. C'est tati tatou. C'est tati tatou. Oui, c'est bien. Bravo. Elle l'a fait. Ah, c'est bien. Bravo! Bravo! Voilà. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort! On embrasse tous les gens du magasin Tati de Rouen! Je t'embrasse fort, ma belle, à bientôt! Bisous! 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Ooh. my God. I'm so horny right now. I shouldn't have said that out loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk. Vous êtes sur Énergie, j'espère que toi bien, c'est Cédric, salut salut, bon réveil, VG Dream et LSD dans la playlist Énergie, on va se rassurer au Funback et Kenji, voilà comme ça on est bien pour attaquer la journée, en plus c'est sans pub, hein. C'est cool, là on profite dès le réveil, et on sait aussi le meilleur de Mickaël, il a 23h tous les soirs sur Énergie en direct, et écoutez ce qui se passe dans l'émission. Oui. Bonsoir Richard, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tof, il appelle au sujet de contraction du vagin. Oui. J'ai rencontré une femme une fois et j'ai joui. Après, elle me dit, mais j'ai encore envie, moi. Nous voilà rassurés. Attends, attends, je suis mort. Tu as 17 ans, Richard? J'ai 17 ans à l'envers. Ah oui, ah, oui, voilà, oui, oui. Je me disais bien. Je me disais bien qu'il y avait un fume là-dedans. Ok, c'est la soirée ce soir. Hein. Oui. Ah, si vous voulez plus que je revienne, ben, vous savez comment faire. Hein. Tu sais, tu pourrais négocier une prime de pénibilité, un truc comme ça. Ah, t'imagines, ouais. Ah, putain. Bon, et donc, du coup, Richard, alors? Alors, après, elle m'a dit, écoute, j'ai encore envie, j'ai grimpé encore, elle m'a fait grimper sur son ventre, et tout d'un coup, je me demande s'il n'avait pas un troisième larron dans le lit, parce que je sentais mon Roger qui est pris en main. Ton Roger? Puis, son Roger. Il m'a bien pompé. Sa grosse bite. Et en moins de 10 minutes, je jouis pour la deuxième fois. Eh ben, c'est génial. Mais quel est le rapport avec les appels? Bah, je sais pas. Parce qu'il parlait de pression. Il a demandé si le voisin se contracte. Oui, moi j'ai tombé sur. Ah, mais on a rien demandé en fait. On n'a pas demandé. le vagin se contracte. On a dit que c'était bien de le faire pour que la fille ait plus de plaisir. C'est tout. On n'a pas demandé si ça marchait. Ah si, mais moi j'ai rencontré ça a marché pour lui, les gars, c'est tout. C'est bien. Voilà, bon bah très bien. Bah, merci Richard pour cette information. Hein. Je vous en prie. Avec plaisir, tu rappelles quand tu veux. C'est possible. Salut, à bientôt Richard. Bon. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Ça c'est vrai, j'ai du gagne. Quand ça ne marche comme Samuel. Our house is burning. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into Énergie, salut vous, j'étais en train de m'étirer tranquille. Bon, bon courage pour le réveil pour vous ce matin. C'est Kenji là qui arrive dans la playlist Énergie. On va se faire Offenbach juste avant ça. Et puis le meilleur du Rico Show, c'est à 20h tous les soirs sur Énergie en direct. Et écoutez ce qui se passe dans l'émission, c'était hier. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Ça va Karim? Ça va super et toi Rico? Écoute, salut Karim, je suis en pleine bourre, est-ce que t'as révisé Karim? Ah, je suis chaud comme du chocolat chaud. On va écouter Karim, patate chaude, c'est parti. Tout le monde se la refile. Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui, ou la chlamydia de Sylvain au choix. C'est pareil, elle est chaude et tout le monde se la refile. Protégez-vous les amis, protégez-vous. Attention, on démarre avec toi Karim, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis chaud. Karim, on démarre sur un premier tour niveau primaire. C'est parti. 6 x 4, Karim. Hein? 6 x 4. 24. Très bien, bonne réponse. Sarah, qui est notre Premier ministre? Jean-Édouard Philippe. Oh là là. Édouard Philippe. Il s'appelle pas Jean-Édouard, mauvaise réponse. Cite-moi les conjonctions de coordination. Bah, ornicard, mais oui, donc ornicard. Bonne réponse. Sylvain, que veut dire COI? Complément d'objet direct. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Quel est le fleuve qui passe par Lyon, Sylvain? Le Rhône. Bonne réponse. Attention, JM. Marico. Quel est le prénom de Picasso? Pablo. Bonne réponse. Attention, Karim. Que veut dire PACA? La région PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Wow. Bonne réponse. Attention, Sarah, 9 x 8. 81. 72. Mauvaise réponse, c'était 72. Si tu es troisième et que tu doubles deuxième, tu es, Sarah? Si je suis troisième et que je double deuxième, je suis le deuxième. Bonne réponse. Que boit la vache, Sylvain? De l'eau. Quand on gagne de l'argent supplémentaire, on met du... Du quoi? On met quoi? Du beurre dans les épinards. Mais t'as pas fini la question? C'est grave. Quand on gagne de l'argent supplémentaire, on met du... Bah oui. Et puis hop. Beurre dans les épinards. Mais c'est... Mais du quoi dans quoi? Il a raison. Mais on met du quoi dans quoi? C'est pas grave, j'ai perdu. Mais non. On met du... Mais quand on gagne de l'argent... On met du... Du beurre dans les épinards. Ah mais tu aurais dû dire on met du dans mais les épinards. Mais j'ai dit, mais tu parlais en même temps quand je parlais. Non, je croyais que... JM, t'es un mauvais joueur, t'as perdu. Franchement, bon, ouais. Karim, tu l'avais toi ou pas? Bien sûr que je l'avais. Ouais, c'est ça, tu es calmar, Karim, je t'embrasse. JM, c'est pas grave. Grave. Ne pleure pas. Hein. Dégage. Déjà, fracas Sylvain et Sarah, je compte sur toi, Karim, allez. Attention, ça monte, mon Karim, c'est niveau collège. Sur le prochain tour, c'est parti, top, attention, fais un peu de silence autour de toi mon Karim, on y va. Karim, comment s'appelle le fleuve qui traverse Londres? Je sais pas du tout. La Tamise. Attention, avant de passer votre tour, répétez correctement cette phrase. Je veux et j'exige d'excuses, excuses. Je veux et j'exige d'excuses, excuses. Bonne réponse, d'habitude c'est excuses. Attention Sarah, quel mur fut abattu en 89 à la chute de l'Union Soviétique? La chute du mur de Berlin. Bonne réponse. Attention, Sylvain, imite l'âne et la chèvre avant de passer ton tour. Bah t'es sérieux quoi? Allez. On est pris pour des cons quoi. Vas-y. Super. Attention Karim, en quelle année a eu lieu la Révolution française? En 1966. Waouh. En pardon? Non. 66. En quoi? La Révolution française, Karim, dis-moi. En 1789. En quoi? 1789. Ouais. Bonne réponse. Attention, Sarah, quelle est la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Oh là là, très bonne réponse. Attention, Sylvain. Quoi? Quel navigateur a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Elle a pété avant. Ouais. Elle a pété avant, Sylvain, tu es éliminé. T'es une... sérieux ou quoi? Ah oui, elle a pété. Ouais, Sylvain, ouais, elle a pété avant. Mais t'es top. Il est vénère. Il est vénère. Attention, Karim. Karim, t'es en finale contre Sarah. Est-ce que t'es prêt? Je suis chaud. C'est la grande finale. Allez. Derrière, on se fera le Tinder de la peur avec Sylvain. Il va être majuscule, ça va être énorme. Et complètement ouf. Allez, Karim, allez! Mais non, et moi? Allez, Sarah, allez! Voilà. Non, le mec influence. Attention, on augmente le niveau. On est au niveau lycée. Oula. Karim, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, ça y est. Top, c'est parti. Cite-moi trois marques de voitures allemandes. Alors, Volkswagen. Ouais. Lada. Hein? Non, Volkswagen. Ah. Marque de voiture allemande. Ouais, il triche. Passe. Comment s'appelait la meuf de Louis XVI qui, elle aussi, a été guillotinée? Je sais pas, ceci. Marie-Antoine. Complète cette morale de La Fontaine. Rien ne sert de courir. Tout est à poc, si Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Des villes ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Tant qu'on passe à pleurer sans moncelle dans nos valises, c'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier. Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, belle journée, on est vendredi aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Ouais, week-end ce soir, week-end un petit peu galère hein, visiblement là pour demain avec tous les blocages de prévu. En attendant, bah, on se fait une petite matinée tranquille avec Kaiser Panda dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver cet après-midi à 17h, voici le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Jour des résultats de sondage radio. Donc on a décidé de faire passer la pilule pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles avec des chansons, comme ça vous comprendrez si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord ? C'est, oui, c'est mieux que de donner tous les chiffres. C'est ça, plus rigolo. Ça va gaver tout le monde, c'est compliqué. D'abord, on va dire que pour Énergie... Tout va bien. Tout va bien. Merci les amis, merci. Petit, tout va bien. Merci. Merci pour nous, ça va bien aussi. Pour Manu, ça va bien aussi. Pour Papa, l'émission, on vous fait des bisous. Alors pour les autres radios, pour Nostalgie. La vie est belle et cruelle à la fois. Non, elle est belle, elle est belle. Elle nous ressemble parfois. Elle est belle, il cartonne, ouais, là, il cartonne. C'est pas fini. Alors pour Europe 1, ils cherchent leurs auditeurs. Chérie FM. Ça va, ça va, ça va, comme si, comme ça. Ah, nouveau communiqué d'Europe 1 qui vient de tomber. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passe dans le fond. Oh, ils atterrissent, ça. Ouais, c'est terrible. RMC qui est monté très très haut et puis là-bas. C'est retour à la case départ. Ah pardon, je coupe, nouveau communiqué d'Europe 1 qui vient de tomber. Hey. Eh ouais. Ah, le pour Fun Radio. Attendez, attendez, attendez, on a une réponse des auditeurs d'Europe 1. Je m'en vais. Ok, Virgin Radio. C'est vite là. Ah, nouveau communiqué final d'Europe 1. Comme d'hab, on a de grands projets. Comme d'hab, allez, on va se coucher. Merci de nous avoir choisi. Hein. Je m'appelle Koé, tout est pour rire. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame. La gente me echa. Bogotá para un real y

J'avais vraiment besoin que ce soit. Déjà, je trouvais ça un peu triste pour elle, et puis je me disais, voilà, il faut pas que ça traîne. Mais que ce soit rangé, voilà. Je l'ai mis à un endroit. Le plus triste dans l'histoire, c'est pas toi qui es dans le jardin en train de regarder si la fourmi est vivante ou morte. Ouais. Je pense que mes parents se posaient beaucoup de questions à l'époque. Ouais. Quand ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'il fait Nico? Bah, il est dans le jardin, il chope les fourmis décédées. Effectivement, il y a des séances de psy plus tard. Ouais. Les fourmis, qu'est-ce qu'elles se disaient, quoi? Oh putain, le relou des morts. Il est de retour. Faites gaffe, il y a le croque-mort qui arrive. Oh, dur. Naomi, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie Naomi. Merci de nous appeler 0870 42 48. C'est notre numéro. Naomi, parle-nous de la collection bizarre qui est la tienne ou de quelqu'un. Alors, c'est mon père, il est plombier et il collectionne toutes les clés à molette, à œil, à pipe. Il en a environ 800, je crois. Waouh! Ah ouais. Voilà. 800 clés à molette. Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah oui. Ouais. Et effectivement, dans le livre des records des auditeurs, on commence à monter. Ouais, ouais. Mais 800 clés à molette, il les met où? Il les met au mur? Comment ça se passe? Il a toujours. C'est pas que des clés à molette, mais il en a toujours dans sa truc de travail, sa voiture de travail. Et on a une grande maison, donc on a de quoi stocker chez moi. Ouais, c'est génial, ouais. Le mec il a des pièces à clé à molette. Ouais, et s'il en cherche une en particulier, tu rends le bordel? Parce que clé à rien ressemble. Ah bah non, c'est rangé, par taille. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Mais ouais. Il adore les utiliser pour n'importe quoi. Il mange avec des clés à molette peut-être. Non, il travaille avec. Il oui. est plombier. Oui, mais enfin, quand t'es plombier, t'as une clé à molette, quoi. T'en as oui, pas ouais. 800, c'est super plombier là. C'est ouais. Même Mario de Super Mario, il a pas autant de clés à molette. Merci de nous avoir appelé, Naomi. Belle journée à toi, Glandu. Moi, j'ai un ami qui collectionnait les bouteilles de vodka quand on était étudiant. Mais pleine ou vide? Non, vide. Il en avait plus de 100. Et franchement, il n'avait pas le 100. Elle venait du monde entier. Il en avait même une de 6 litres, une énorme de 6 litres. Wow. Et ouais, justement, on l'aimait bien parce qu'il ramenait toujours une petite bouteille en soirée et tout, un peu original. Ah une oui. bouteille, ouais, c'est ouais. 100 bouteilles, ouais, c'est un. Ouais, c'était, bah après, c'était étalé dans le temps. Non, mais hein. Ça s'appelle pas un collectionneur. Hein. Le nom technique pour ça, c'est pochetron. Hein. Oui. Ouais, collection bizarre, collection étrange, si vous en avez, Isabelle. J'avais un pote à l'école qui collectionnait ses chewing-gums mâchés. Ah, voilà. Oh. C'était ouais, vraiment, il me dégoûtait un peu quand même. Il mettait ça dans une petite boîte. Non, mais on l'aimait bien, tu vois. Mais c'est vrai que ce truc-là était étrange. Il mettait ça dans une boîte en fer et il gardait tous ses chewing-gums. Mais vous demandez les vôtres aussi? Non, que les siens. Ah, que les siens. Non, sinon, c'est pas la même collection. Attention. Non, il faisait des réunions. Ah bon, il y en a deux qui collectionnaient les os de poulet que tu avais. Très sympa. Ouais. Tristan, bonjour. Salut Manu, salut à tous. Bienvenue sur Énergie, Tristan. On parle collection bizarre, on t'écoute. Oui, alors moi c'est ma mère. Ma mère collectionne les chaussettes célibataires. Les chaussettes célibataires? Les siennes ouais. ou les chaussettes de tout le monde célibataire? Ah bah, de tout le monde en fait. Maintenant c'est devenu un jeu. Moi je lui en apporte dès que j'en ai une. Ses copines pareil, dès qu'elles ont une chaussette seule, et bah, elle lui apporte. Et du coup elle a une armoire remplie, dédiée à ça, de chaussettes célibataires. Ah c'est drôle. Mais ça sert à rien. À rien. À rien. D'accord. Ouais. C'est ça. On est d'accord. On est bien d'accord. Merci de nous avoir appelé, Tristan. Belle journée à toi. Merci, bisous. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. Just for a short while. It's going to be a fine. you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be c'est Cédric. Bon réveil tout le monde, on est vendredi. Énergie, l'horoscope. On démarre avec les béliers, vous allez devoir marquer des points aujourd'hui. Les taureaux, vous obtenez un rendez-vous, un avantage intéressant. Les gémeaux, restez ultra discrets et préservez votre territoire. Les cancers, la lune et Neptune décuplent votre intuition. Les lions, temps calme, vous flottez tranquillement. Les vierges, il faut démêler une question relationnelle. Les balances, vous voguez sur un petit nuage. Quant aux scorpions, vous avez du flair et vous allez droit au but. Les sagittaires, mieux vaut éviter de vous mêler d'une histoire étrange. Quant aux capricornes, vous êtes en forme et tout va bien. Les verseaux, coup de gel sur vos finances. Les poissons, attendez d'en savoir davantage avant d'agir. Voilà, l'horoscope dispo sur energie.fr. C'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energie. Avant son retour en direct tout à l'heure. Et les hits avec 3 cafés gourmands, Ariana Grande et Drake qui arrivent dans la playlist Energie. Bon réveil.

It should grow from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. It's better. Does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up. But I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up. But I it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Ouais, vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. Salut à Amélie ce matin à Bordeaux. Alors d'après son snap sur le Snap Énergie Radio, elle utilise l'appli Énergie là pour se réveiller avec tous ses hits préférés. Ça c'est cool, c'est le bon réflexe. On va faire Drake dans la playlist Énergie avec aussi Lady Gaga et Bradley Cooper. Bah, comme ça on attaque bien la journée. Et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Heureusement il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le petit train des questions, je vous ai posé 3 questions. 0-870-42-48, vous avez eu 10 minutes pour nous appeler, c'est parti. Première question. À part conduire, quelle est la chose la plus dangereuse que vous faites un jour normal? Paulette. Couper des légumes avec mon couteau là, hyper tranchant. Je suis toujours à deux doigts de me couper le doigt en tant que la courgette. Mais c'est vrai que c'est dangereux de couper des légumes. Ah ben oui. Mais donc c'est dangereux les légumes. Ouais, c'est ça. De là à dire que quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pour essayer de supprimer les gens de la planète. Ah non, arrête. Il n'y a pas que je franchis. Ah oui. Quelle est la chose que vous faites de plus dangereux au quotidien? Elisa, bonjour. Salut tout le monde. Eh bonjour. Hello. À toi. On t'écoute. Alors moi, c'est brancher mon chargeur d'iPhone. Pourquoi c'est dangereux? En fait, la prise en tête de mon lit, elle fonctionne mal et à chaque fois que je le branche, j'ai une petite étincelle. Donc du coup, Alors Elisa, je tiens à toi. Donc il faut. Oui, oui. Bah, il faut arrêter. Ouais. Ah bah ouais, mais bah ouais. Ouais. Mais... Alors il y a un truc qui s'appelle l'électricien, par exemple. Tu l'appelles. Et puis il va venir te réparer la prise. Tu vois, sinon tu vas nous faire une Claude François, ça va déplaire à tout le monde. Donc, c'est vraiment un vrai conseil que je te donne. Hein. C'est génial parce qu'Elisa, elle avait pas la solution. L'électricien, putain, j'y avais pas pensé. Mais ça craint ça, parce que moi j'ai une rallonge premier prix, tu vois, elle fait des étincelles aussi à chaque fois, une multiprise. Oui, mec. Elle passe au second prix, sinon le cercueil, ce sera lui premier prix aussi. C'est quoi, on va te mettre dans du polystyrène, madame, hein? Arrêtez de jouer avec votre vie comme ça, en fait. Je savais que c'était si dangereux, je trouvais ça rigolo. On arrête les prises qui font les étincelles et on arrête les légumes. Alors. Les légumes, on garde, Manu. Hein? On les garde, les légumes, et on les met dans le cuivapeur. On se reprend en main, vraiment. Non, mais ça, c'est bien, dis-moi, les légumes. Dis-moi, Top Chef. Allez, on enchaîne. Merci de nous avoir appelé, Elisa. Deuxième question du petit train des questions. Quel film refusez-vous catégoriquement de voir et pourquoi? Isabelle. L'Exorciste. Pourquoi? Parce qu'il paraît que c'est le film d'horreur vraiment le plus flippant de la Terre. Et moi, j'ai peur vraiment, même quand je regarde un thriller interdit au moins de 10 ans. J'ai vraiment peur. Alors, il n'y a pas de thriller interdit au moins de 10 ans. Des suspense, quoi. Film suspense interdit au moins de 10 ans. D'accord. Moi, j'ai peur. Parce que pour Isabelle, Harry Potter, c'est un thriller. Donc, Et le dernier, il est hyper flippant, le Harry Potter. Ouais, plus personne t'écoute, là. Ophélie, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut tout le monde. Quel film refuses-tu catégoriquement de voir? C'est comme toi, c'est Titanic. Ah, mais alors attends, parce que moi j'ai une raison, est-ce que c'est la même? C'est quoi? Pourquoi toi tu veux pas le voir? Parce qu'on m'en a tellement entendu parler que j'ai refusé catégoriquement d'aller le voir. Moi au début c'était par flemme, j'avais pas envie, je connais l'histoire, voilà, comme tout le monde et tout. Ouais. Et à force, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit que c'était incroyable, qu'il fallait le voir. Le nombre de gens qui m'ont dit, mais attends mec, je te prends le DVD et on va le voir, etc. Que maintenant, c'est devenu un défi. Ah oui? Ah ouais. Ouais. Mon défi, c'est de ne pas voir Titanic. Vous savez quoi? Ne me jugez pas, chacun ses défis. Hein. Oui. Voilà. Mais en fait, il faudrait être piégé. Il faudrait être emmené dans une salle de ciné. Et là, tu crois que tu vas voir un film. Et non, on te projette Titanic. Je fermerai les yeux. Ah ouais. Vous ne m'aurez pas. Ok, Ophélie, personne ne nous aura, d'accord? Personne. Merci. Troisième question du petit train des questions. Vous êtes téléporté 15 mètres sur votre gauche. Que se passe-t-il? Isabelle. Je tombe du 6e étage. Oh oui, merde. Oh dur. Flippant. Ah oui, Glandu. Ouais, moi aussi, je tombe dans le vide là. Oh dur. Ouais. Vincent, bonjour. Salut Manu. Vincent, tu es téléporté 15 mètres sur ta gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, en pivotant bien, je me retrouve direct chez ma voisine de gauche, qui est très sexy, très classe. Pas mal, ouais. Mais qui appréciera moyen que son voisin pervers vienne chez elle. Merci de nous avoir appelé, Vincent. Vous êtes téléporté 15 mètres sur votre gauche. Que se passe-t-il, Nico? C'est trop cool, je suis dans le bureau du patron, moi. Oh, je vais pouvoir fouiller, ouais, les gars. Allez, j'y vais. Moi, téléporté 15 mètres sur la gauche, je suis aux chiottes. Ah oui. C'est pas pareil, hein. On fait pas la même chose. Non. J'espère pour toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need ya, and I'm down for ya always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for ya always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny.

sur Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil, on se fait un petit point météo. Énergie, météo. Pour ce vendredi, avec la moitié nord sous le brouillard et un ciel gris en général, voire pluvieux dans l'ouest. Au sud, ce sera pas mal de soleil, les températures entre 6 et 14 degrés. Cet après-midi, ça se découvre au nord. En général, un beau soleil, comme au sud de la France. Les températures, 11 degrés à Lille, Metz et Strasbourg. Il y aura 13 à Caen, Paris, Dijon, Lyon et Grenoble. 16 à Rennes, Clermont, Montpellier, Nice et Marseille. Et 19 degrés à Toulouse et Bordeaux. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Menu dans 6-9 sur Énergie en direct à 6h. Et là, c'est Kygo avec Imagine Dragons sur Énergie. DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Vous êtes sur Énergie, bon réveil tout le monde. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va ce matin. On va écouter Enrique Iglesias, la petite classique dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, vous inscrivez sur energie.fr pour qu'il double votre salaire à 7h05 et 8h05. Voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Viens boire un petit coup dans le 6-9. Viens Manu et les ouin-ouin tous les matins. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nous donnons des conseils de vie. Oui. Ouais. Ouais. On a eu chacun 3 minutes pour trouver un conseil de vie en 4 mots uniquement. Mmh. Vous pouvez nous en envoyer aussi sur l'application Manu dans le 6-9. Vous n'hésitez pas à le faire. Attention, je vous rappelle que j'en avais deux. Il y a vide ton historique internet. Mmh. Important. Bon, ouais. Conseil de vie en 4 mots. Ouais. Et ne textote pas bourré. Mmh. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est l'expérience. Hein, ouais. Je peux transmettre ce savoir. Ouais. J'y vais. Nico, j'ai un bon conseil de vie en 4 mots, moi. Vas-y. C'est surprend tous les jours. Et c'est ce qui fait, moi, que mon couple dure. Ah oui. Ce que je fais depuis des années. Ouais. Conseil de couple. Conseil de couple. Et tu surprends tous les jours. Tous les jours, ma femme a le droit à une petite attention, que ce soit, tu vois, un post-it, je lui fais un petit dessert qui n'était pas prévu, je lui achète un petit truc au supermarché qu'elle ne m'a pas demandé, etc. Oh là là, et comme ça, la routine, elle s'installe pas. Alors, mais toi, moi aussi, hein, j'achetais tout le temps les trucs qu'elle ne demandait pas, des manettes de jeu, des jeux, des consoles de jeu. C'est le problème. Ouais. Il faut être à l'écoute. Mais du aussi. Coup, c'est pas surprenant, puisqu'elle sait qu'elle va avoir une surprise. Elle fait ah, ben encore une surprise. Et ben non, parce qu'elle-même, voilà, et elle aime avoir des surprises, pas comme toi, visiblement. Voilà. Et tu sais, Paulette, le prend pas mal, hein, je suis comme toi. C'est ce qui explique peut-être aussi que Nico est toujours en couple. Ouais. Et que nous, bah, c'est sa boîte. Conseil de vie en 4 mots, Glandu. Moi, ce serait cherche le bon plan. Cherche le bon plan parce que ça te met de bonne humeur pour la journée, en fait. C'est quoi, cherche le bon plan? Bah, le code promo sur internet, l'article moins cher à côté. Non, mais c'est vrai, t'es comme un chercheur d'or qui aurait trouvé une petite pépite. T'es de bonne humeur et ça change la vie. Franchement, c'est ouf. Parce que t'as trouvé un truc à moins 15%, ah lui ouais, payer. T'as un moins 10%, moi je suis trop content, quoi. Ça me change tout. Même si j'ai gagné 2,50€, je me dis, putain, c'est 2,50€, je vais les mettre dans des pains au chocolat, quoi. Ah, mais du coup, Glandu, il achète que les trucs qui lui servent pas, quoi. Forcément, il voit sur des sites qu'il y a une promo sur un truc, il va l'acheter. Ah, ouais, c'est vrai. Le prend pas mal, mais là t'es con, là. Ouais. Mais je l'ai eu à moins 15%, le truc, il sert à rien. C'est du genre, on dirait Paulette. Donc c'est une insulte, ça va pas, non. Mon conseil, moi, en 4 mots, c'est mange de la soupe. Parce que déjà, c'est très facile à faire, c'est rapide, c'est super bon pour la santé. En ce moment, potimarron, butternut, des soupes de folie tous les soirs. Je suis sérieuse. C'est alors, un très attendez, bon conseil. Si vous venez de nous rejoindre, ne paniquez pas, ce n'est pas une rediffusion de La Quotidienne sur France 5. C'est mais juste Isabelle qui veut nous faire manger de la soupe. Mais oui, c'est pas parce qu'on parle de soupe qu'on est sur France 5. Non, mais c'était bien en 4 mots. 4 mots, 4 mots, c'est bien. Mange de la soupe en 4 mots, ça marche. Je terminerai par un petit conseil de vie très simple. Un conseil en 4 mots que je dis régulièrement. Ouais. Neige jaune, pas manger. Ah non, pas celle-là. Conseil de vie. Et si vous me demandez si c'est d'expérience, eh ben c'est la légende. Des 6 heures. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Sous-aimé la radio. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si

Qui aurait pensé, putain? Qui aurait pensé qu'en 2018, Francis Cabrel signerait son retour avec ce titre? Il est là, Francis. Alors, c'est pas Francis Cabrel, c'est Son of Legend. Oui, je sais, vous y avez cru. 5h55, soyez les bienvenus sur Énergie. On est vendredi, c'est le week-end qui arrive. J'ai l'impression que le week-end dernier est déjà passé. Ça passe trop vite. Ah oui, c'est vrai, Manu. Et le week-end arrive et on va démarrer cette journée tous ensemble. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On démarre dans 4 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, c'est le club du 5-5-5. Je crois que ce titre, on l'a jamais mis dans le club du 5-5-5. Ah ouais. Ah. Pourtant, Dieu sait s'ils ont mis la pression pour venir. Parce que je vous rappelle que dans le club du 5-5-5, c'est... Évidemment, on choisit les titres, on choisit ce qu'on a, oui. Mais on a des pressions, Ah bah oui, bien sûr. Tous les groupes du monde veulent être dans le club du 5-5-5. Ouais. C'est comme les groupes qui veulent jouer à Wembley. Je sais pas exactement ce que c'est Wembley, mais je sais que c'est un grand stade et que tout le monde veut jouer là-bas. Et ben tous les groupes veulent venir dans le club du 5-5-5. Ils ont mis une certaine pression, ça fait des années qu'ils attendent. Ouais. Voilà, et ben ils ont eu leur ticket, ben, ils ont su attendre et être patients. Voici The Killers, avec Somebody Told Me. Ah ouais. En même temps, la patience, ils connaissent, parce que depuis ça, ils ont pas fait non plus... C'est vrai. Mais ce titre, il est bien. On démarre dans 4 minutes et dans le club du 5-5-5. Oui, ça fait du bien. Ouais. Ah, mais ça fait longtemps. Bon réveil sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. On est ensemble pour démarrer, pour créer ensemble cette journée. C'est vendredi, on est le 16 novembre. Eh, hey, Noël arrive. Dans un mois. DJ Snake, c'est dans 2 minutes, tout de suite les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Réveil dans le brouillard pour toute la moitié nord de la France. Ce matin, c'est plutôt gris et ça va le rester jusqu'en début d'après-midi avant le retour des éclaircies. Des Pyrénées aux Alpes, en revanche, c'est très lumineux. 10 degrés attendus à Lens aujourd'hui, 12 à